إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Comme cela a été annoncé, Inch'Allah Ta'ala, ce soir, l'intervention va se porter sur le mérite de l'apprentissage du Coran et sa mise en pratique. Et pour ce faire, nous allons lire et commenter le premier chapitre du livre intitulé « L'éthique des mémorisateurs du Coran » du grand savant, l'imam Abu Bakr al-Ajurri rahmahullah. Et ce chapitre a pour titre le mérite de ceux qui apprennent le Coran et le mettent en pratique. Donc il dit, rahmahullah, Abu al-Abbas Hamid ibn Muhammad ibn Shu'ayb al-Balkhi nous a rapporté, selon Yaqub al-Dawraqi, selon Abdurrahman ibn Mahdi, selon Abdurrahman ibn Boudayl, selon son père, selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a des gens parmi les hommes. On lui dit, qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il dit, les gens du Coran sont les gens d'Allah et ses privilégiés. Puis il dit, rahmahullah, Abu Bakr, Abdullah ibn Muhammad, Ibn Abd al-Hamid al-Wasiti nous a rapporté, selon Ziyad ibn Ayyub, selon Abu Ubaida al-Haddad, selon Abdurrahman ibn Boudayl, selon son père, selon Anas ibn Malik, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a des gens parmi les hommes. On lui dit, qui sont-ils au messager d'Allah? Il dit, les gens du Coran sont les gens d'Allah et ses privilégiés. Ce hadith est authentique. Il fut rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahmahullah, et il a été authentifié par l'éminent savant et Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah a des gens parmi les hommes, c'est-à-dire des gens qu'il a privilégiés en les rapprochant de lui et en leur donnant un rang éminent. Ces hommes sont les adeptes du Coran, c'est-à-dire ceux qui leur donnent une grande importance, le mémorisent, le récitent, le comprennent et le mettent en pratique. Ceux-là sont les gens d'Allah Azza wa Jal et ses privilégiés, ceux qui ont obtenu ce rang immense. Et cela ne peut se concrétiser sans la mise en pratique du Coran. Par conséquent, celui qui mémorise les versets qui parlent du tawhid, tels que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, adorez Allah et ne lui associez rien, puis donne des associés à Allah azza wa jal, ne fait pas partie de ces gens. Comme c'est le cas de certaines sectes, parmi les gens de l'innovation, tels que les soufis extrémistes et d'autres sectes qui vont donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font pas partie des gens d'Allah et ses privilégiés. Celui qui mémorise les versets qui parlent de l'obligation du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interdiction de contredire sa voix et d'innover dans la religion, puis suit une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et innove dans la religion, ne fait pas partie des gens d'Allah azza wa jal et ses privilégiés. Ainsi, tous ceux qui mettent en pratique les versets du Coran sont les gens d'Allah et ses privilégiés. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah a dit, les gens du Coran sont ceux qui mettent en pratique ce qu'il y contient, même s'ils ne l'ont pas mémorisé, Et celui qui l'a mémorisé sans comprendre ses sens et sans mettre en pratique ce qu'il contient ne fait pas partie de ses adeptes, même s'il excelle dans sa récitation. Fin de citation de la parole d'Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah. Ainsi, celui qui met en pratique le Coran, sans pour autant l'avoir mémorisé, fera partie des gens d'Allah et ses privilégiés. Cependant, celui qui l'a mémorisé et le met en pratique aura plus de mérite et sera plus honoré dans l'au-delà. Ensuite, il dit, rahmahullah, Abu Ja'far ibn Yahya al-Hulwani nous a rapporté, selon Yahya ibn Abd al-Hamid al-Hummani, selon Hammad ibn Shu'ayb, d'après Asim, selon Zir, selon Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on dira à l'adepte du Coran au jour de la résurrection, récite et monte en degré, et récite comme tu récitais dans le bas monde. Certes, ta position sera au dernier verset que tu récitais. Ensuite, il dit, rahmahullah, Abu Abdillah Ahmad ibn al-Hassan ibn Abdel Jabbar al-Soufi nous a rapporté, selon Shuja' ibn Makhlad, selon Al-Fadl ibn Dukayn, selon Sufyan, selon Asim, selon Zir, selon Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on dira à l'adepte du Coran, récite et monte, et récite comme tu récitais dans le bas monde, certes ta position sera au dernier verset que tu récitais. Ce hadith est authentique et fut rapporté par l'imam Abu Daoud et a été authentifié par l'éminent savant Cheikh al-Albani rahmahullah. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe d'un mérite immense de celui qui apprend le Coran et le met en pratique. Il dit: on dira à l'adepte du Coran, c'est-à-dire on dira à celui qui le met en pratique. Et la preuve de cela réside dans le hadith de Nawas ibn Sam'an, qui est rapporté par l'imam Muslim dans son recueil authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, on amènera le Coran et les siens qui le mettent en pratique. Il sera précédé par Sourate al-Baqara et Sourate Ali Imran. Donc ici, nous voyons que les adeptes du Coran sont ceux qui le mettent en pratique. Par conséquent, les véritables adeptes du Coran et leurs porteurs sont ceux qui le mettent en pratique. De ce fait, les gens de l'innovation ne font pas partie des adeptes du Coran, même si certains d'entre eux ont appris le Coran par cœur dans les différentes lectures, même si certains d'entre eux maîtrisent le tajwid et connaissent les différents versets qui se ressemblent, car ils ne mettent pas le Coran en pratique. Ainsi, on ne les honore pas dans cette vie d'ici-bas, mais plutôt on s'écarte de leurs assises, conformément à la voie des pieux prédécesseurs, car les pieux prédécesseurs ne prêtaient pas l'oreille aux innovateurs, malgré leur science. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, donc le hadith que l'auteur a mentionné précédemment: on dira à l'adepte du Coran au jour de la résurrection, récite et monte en degré. C'est-à-dire, plus il récitera et plus il sera élevé en degré. Et lorsqu'il dit, récite comme tu récitais dans le bas monde, il y a dans cela une indication que celui qui récite le Coran doit réciter lentement et clairement. Et lorsqu'il dit, certes, ta position sera au dernier verset que tu récitais, c'est-à-dire plus il lira et plus il sera élevé en degré. Et il s'arrêtera au dernier verset qu'il récitait ici-bas. Par exemple, s'il lisait un tiers du Coran ici-bas, sa position sera proportionnel à cette quantité. Cependant, il est bon de mentionner que la récitation du Coran sera faite de tête, car il n'y aura plus de mushaf. Ils disparaîtront à la fin des temps. Ainsi, il y a dans le hadith une incitation à la mémorisation du Coran. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, il est rapporté selon Ummu Darda qu'elle aurait dit: j'ai interrogé Aïcha radiallahu anha au sujet du mérite de celui qui récitait le Coran sur celui qui ne le récitait pas, parmi ceux qui entrent au paradis. Aïcha dit alors, il y a autant de rangs au paradis que de versets du Coran, et il n'y a personne au-dessus de celui qui récitait le Coran parmi ceux qui entreront au paradis. Ce hadith est faible, d'où la parole de l'auteur, il est rapporté. La cause de la faiblesse du hadith est la présence d'un homme qui est considéré comme faible dans sa chaîne de transmission. Non. Ensuite, l'auteur nous dit, Rahmahullah, Abul Fadl, Ja'far, Ibn Muhammad, As-Sandali, nous a rapporté selon Al-Hassan, Ibn Muhammad, Al-Za'farani, selon Ali Ibn Asim, selon Ibrahim Al-Hajari, selon Abu Al-Ahwas, selon Abdullah, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, apprenez ce Coran et récitez-le, car vous serez récompensé pour la récitation de chaque lettre par 10 bonnes actions. Certes, je ne dis pas que Alif Lam Mim valent 10 bonnes actions, mais que Alif vaut 10, Lam vaut 10 et Mim vaut 10. Ce Coran est le banquet d'Allah. Apprenez donc du banquet d'Allah autant que vous pouvez. Ce Coran est le câble d'Allah, la lumière claire, le remède bénéfique et le salut pour celui qui le suit. Et il est une protection pour celui qui s'y attache. Il n'a pas de tortuosité qui aurait besoin d'être redressée. Ses merveilles sont infinies et il n'est pas affecté par l'abondance de la récitation. Dans ce affaire, Abdullah ibn Mas'ud recommande l'apprentissage du Coran. Et cet apprentissage englobe la prononciation des lettres et l'étude des sens, également la compréhension des versets et leur mise en pratique. Ensuite, il a mentionné la récompense de celui qui récite le Coran. Même si ce affaire est faible, cette information est venue dans d'autres hadiths authentiques. Et les certaines informations qui sont venues dans ce affaire ont été citées dans le Coran. Telle que sa parole, ce Coran est le câble d'Allah, la lumière claire, le remède bénéfique et le salut pour celui qui le suit. Et il est une protection pour celui qui s'y attache. Il n'y a pas de tortuosité qui aurait besoin d'être redressée. Et l'auteur a mentionné les preuves à cela dans l'introduction que nous avons expliquée hier et avant-hier. Naam. Ensuite, il dit, Rahmahullah, Abu Abdillah Ahmad ibn al-Hassan ibn Abd al-Jabbar al-Soufi nous a rapporté, selon Shuja' ibn Makhlad, selon Hajjaj ibn Minhal, selon Hammad ibn Salama, selon Atta ibn Sa'ib, selon Abu al-Ahwas et selon Abu al-Bakhtari, qu'Ibn Mas'ud a dit, apprenez ce Coran et récitez-le, car vous en serez récompensé. Certes, il vous sera compté pour chacun de ces mots 10 bonnes actions. Certes, je ne dis pas que Alif Lam Mim valent 10, mais que pour Alif 10, pour Lam 10 et pour Mim 10. Ce hadith est authentique et ce qui est voulu par chacun de ces mots dans ce hadith est que pour chacune de ces lettres, ce qui est voulu par chacun de ces mots dans ce hadith est pour chacune de ces lettres. Pour chaque lettre, il y a 10 bonnes actions. Donc pour Alif Lam Mim, il y a 30 bonnes actions. Alors que dire lorsque le Coran est lu entièrement, surtout lors du mois de Ramadan, où la récompense des bonnes actions est multipliée. Ensuite, il dit, Rahmahullah, Abu Bakr Abdullah ibn Abi Daoud nous a rapporté, selon Abu Tahir, Ahmad ibn Amr, selon Ibn Wahb, selon Yahya ibn Ayyub, selon Khalid ibn Yazid, selon Fa'laba ibn Abil Kanoud, que Abdullah ibn Amr ibn al-As a dit, celui qui a mémorisé le Coran porte assurément une affaire sublime. En effet, la prophétie a été insérée entre ses épaules, sauf que la révélation ne descend pas sur lui. Il ne convient donc pas à celui qui porte le Coran de se disputer avec celui qui se dispute, ni de s'emporter avec celui qui s'emporte, car le Coran est en son sein. Lorsqu'il dit « En effet, la prophétie a été insérée entre ses épaules, sauf que la révélation ne descend pas sur lui », c'est-à-dire qu'il suit la voie des prophètes. Ensuite, il a mentionné qu'il ne convient pas à l'adepte du Coran d'être comme tout le monde et de se comporter comme la masse des gens, car il porte dans son cœur le Coran. Par conséquent, cela doit avoir un impact dans son comportement, ses adorations et autres. Ensuite, il dit, rahmahullah, Abu Bakr ibn Abi Daoud nous a également rapporté, selon Abu Tahir, selon Ibn Wahb, selon Maslama ibn Ali, selon Zayd ibn Waqid, selon Mekhoul, selon Abu Umama al-Bahili, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui récite le quart du Coran aura reçu le quart de la prophétie, et celui qui récite le tiers du Coran aura reçu le tiers de la prophétie, et celui qui récite les deux tiers du Coran aura reçu les deux tiers de la prophétie, et celui qui récite le Coran en entier aura reçu la prophétie, sauf qu'il ne reçoit pas de révélation. Le hadith que l'auteur a mentionné est faible, car il y a dans sa chaîne de transmission Maslama ibn Ali. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et avec ça, nous avons terminé l'explication de ce chapitre. Et j'aimerais terminer ce cours par un conseil qui est de donner une importance particulière au Coran et à sa mise en pratique. Car malheureusement, nous voyons que certains musulmans mémorisent le Coran. Et d'un point de vue général, nous voyons même des musulmans qui étudient la science, qui prennent part aux assises de science. Certains même voyagent dans certains pays pour étudier la science, pour étudier la langue arabe, pour étudier le Coran et apprendre auprès des gens de science. Mais malgré ça, leur comportement ne change pas. Et il n'y a pas de doute que ceci est un comportement blâmable. Car celui qui mémorise le Coran, celui qui étudie la science, doit mettre sa science en pratique. Son comportement doit changer. L'apprentissage de la science doit se voir sur son comportement. Ça doit se voir dans sa manière de parler, son habillement et autres. Il ne doit pas rester comme il était avant qu'il apprenne la science et qu'il étudie le Coran. Par conséquent, il faut qu'on donne tous une importance particulière au Coran, pas seulement dans sa lecture et sa mémorisation, mais également dans la mise en pratique du Coran. Et c'est comme ça que le serviteur obtiendra un rang éminent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an wa alayhi al-tuklan. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك